cette jolie bouche. Oh là là, faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure, écoutons voler les mouches. Oula, c'est quoi ce regard louche? Oh là là, j'entends mon cœur qui tousse. J'ai pas peur, je reste sur la touche. Tout le monde le cherche, trop peu le trouvent. Et ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui monte. Faut surtout pas qu'on se pose, qu'on s'assoit, qu'on voit la vie en rose, qu'on s'adore, qu'on se voit aux heures de pause. Oula, c'est quoi ce froid bizarre, ces frissons, ces grands papillons noirs, ceux qui vont, ce grand bazar. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui m'ose. Tout le monde le cherche, trop peu le trouve. Mais ce qu'on recherche, c'est le trou d'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui monte. D'un sourire soudain, d'une main qui se pose, même si demain possible et qui monte. Cette jolie bouche, oh là là, faut surtout pas qu'on se touche, qu'on s'effleure, écoutons voler les mouches.